أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كون باغالي في نيمونتي لي جيم سي والو اجي بي ويسو نفاتلكو غيسون نانيو فيغا خامني موي كو خامني dafa am ay bor est ce man na aji wala de fokh na fofu lañu jéxalé won biñuy wax na nit ñi nga xamné bor fay bor ni mu amé solo motax nit ki bu génné adina mbokk yi dañoo wara def le tout pour fay ko même bu dé sax da jaar ñu jaay kër gi ñu dëkk ñoom fayal koy borom dañ koy fay ñoom ñu luyé ji fofu lañu yewon kon waxon nañ ci walu bor kene da am du ñew rek ne ko ami bor rek do dem mano aji bu dé remplir na condition yi yi ñu waxon nga xamné mom légui amna mu tok ben jour ñu may ko alal jo xamné man na ci aji mu né waw kay kon nak limay def moy damay jënd bi wajal ngir dem aji ta mu yoral nit ñi bor moy kon dañu né dañuy xol bu dé ñi mu yorel bor mom ñom wala boudé kenn nit la tamit nénañ ko amul solo waron nga ñu fay wa waron nga ñu fay ni ndax dañ non bo amé rek am nga rek ñoo wara fay mais nak bal nañ la djéggal nañ la man nga dem ajil ñu grawul après bo ñëwé ba man nga ñu fayat koku dañ nan koku kenn du ko né ah ndax boromi bor la manula aji dédé mais boudé nak mom gaay dañ né ko fay ñu ay la yewen ya ñu waxon bo amé am nga fay ñu day fay bor yi bu fayé bor yi li ci dess matul aji ko bokul ci ñi ko man duñ ko topé dara dañ nan ko waaw yow manoko demal nga yak ñi payel kon fofu la ñëwon légui mu dess yenen ka moy amna ben ka bo xamné waxon nañ ko ci njaal ben ba bañi doora tambalé moy dañ néwon dañ koy tuddu rek jall moy nit ko xamantene ni day lepp est ce que nit man na lepp lepp pour mana dem mak kan diko fi kon na le ko do to ko mak na ako dama tok fofu man rek ha légi nak koku wajo xamné ray lepp mom day lepp pour est ce que nit man na lepp khalis né man kat adama bëgg aji makka mé nak awma dara mé damay lepp moy né mom ndax dañ né won bokku na ci man gi nga am alal julu yobbu budé ko xamné alal ko fo yobbu moy passe beug yoy il faut yow en tout cas nga am lo xamné mo lay yobbu bo fofu ak bo fa nekké ak boy ñew mais légui ki nga xamné mom amul lool lepp mais nak dané damay lepp nak ndax dem aji koku waxon nañu né dañuy xaar koku dafa am ñaari kaawu nit ko amul li lepp moy dafa am nit ko xamné mom amul dara xaarul dara bëgg lepp ko dañ nan ko yow bokko yow yalla teggul ak ndax yow bokko ci ñi ko man kon bayil bayil ba am lo aji nga dem aji mu dess ko xamne keneen ci benen ka bi moy waajo xamne ga mom instant bi amul dara mais amna solde bo xamne wala xaaliss bo xamne wa lu muy yaakar lo xamne lerr nako ne li il suffit mu def len après rek ngir jot ci budé mat na upp na aj wala mu mat ko li ñuy dem aj budé lool la lepp dañ nan ko ko man na lepp bu ñëwé activer loolu affaire bi jall mu fay après kon loolu balé gi ni ñu ngi ci walu man gi moy 5e condition bi ndax dañ na won 5 conditions la won bo fatale ko moy il faut pour waji ñu ne ki mom aji da ko war moy il faut mu nek julit bo moy bi ñeek il faut mu am xel il faut mu baña nek xalé moy ku majeurul lañ ci djublu mu nek ku libre ko xamne du jam ku ñu mom esclave bu dernier bi ci lañ nek ba légui moy walu man gi ci yoy ci lañ gisone wa jo xamne da ami bor ak yi ñu gisone kay ñu gisone bi wessu kon gis nañu kon wa jo xamne mom day lepp légui nak mu dess waxon nañ bi passé tamit ci walu billet yi ba nga nan nit ku alal jo xamne wa jo xamne comme waju gay euro million may le billet mak xam nga lolo no ñox lu mel non wala mais ak bobu ñu ko don traiter ci walu est ce que nit man na am alal ju baxul bu baxul dox ma man ma jël lolu waxon nañ ne lolu dafa am tekantal moy dafa am du ñew rek ne bul jël ak jëlal moy ne ça dépend ci ki jël moy kan comme liñ waxone bi passé rek ndax li dañuy def ben genre résumé bu ndaw moy né waji budé né comme genre ay iman wala wajo xamné ci diiné ji en tout cas kuñu respecté la wala ko xamné kuñu xamé diiné la wala yu mel nonu koku dañ nan ko affaire bi moy alal ji premièrement liñuy wax moy waji nga budé waji da sacc dañ nan é dello yow mom dello wal alalu jambour ñi nga sacc lool moy kay ndon wax moy il faut waji dañ nan ko dello wal alal ji mais budé kay yo xamantene ni alal ji manuko dello xam nga amna fi amna yo xamne mano dello alal ji mo ngi melni wajo xamne mom xamul won ne ay banque intérêt yoy baxul mu def alalam baxam légui ñu wax ko ko xam nga alal joju kon intérêt yim ci am bu démé ci banque bi di len koy wax bi ñu jël waju gagne euro million bañ dox ko chèque bi bam té ñew ñu ne ko nak yow li nga def da haram est ce que day dem né gaay jël leen sen chèque non mais gaay sax est ce que dinañ ko nang moy yoy buré waji sacc alalu jambu mom dañ nan ko e dello wal alalu jambu rew alal ji momo ko dello ko ndax alal do momul dang koy dello ta do yem ci dello ko moy buré yow da nga dem ba juge bi japp la momat liñuy dagge loxo dañuy dagge sa loxo yow lolu moy koku moy ndax fiñu ñun liñ doon wax bokul ak ñun waxuñu ci waji sacc waji mu koy jox lañ doon wax waji sacc mom dañ nan ko dello mais xam nga yenn say waji ben waji na agresser nit xamul waji fa nda dekk moy da ko rombu rek mu am alal mu sacc ko legi nan lay dello alal jow xamul kan la mom dal après bim demé le rutu tok keureum rutu na man nak li wone sacc na waji 1 million dañ nan ko legi di ngay def moy comme ko xamoko da ngay def genre da ngay lacté genre wax ci genre xawma publicité ngeen koy wax xawma moy da ngeen di yeglé nekat ana kan mom waji nga xamné dañ ko agressé won tel jour tel koku de bu alalam dañ jëron ci man nga ba ñew ni may agresseur bi ndax lolu man na bu dé dañ la ci nara gañ do ko def nga ne kat waji alal waji ñu fi agresseur won jour tel de alalam de mom feñ na wala mu ngi fi bu ko kiwé rek na wax lolu mom day jël méthode yu mel non né bu démé ba mom waji trouver tuko du tout mom nañ nan ko légui da ngay saraxé alal li mais nak bu ci am yéene na yow ya koy saraxé ngir di am yéene bu yow mais dang koy saraxé ngir yéene ko waji nga sacc voilà lool moy ci waji sacc ñun ka biñ doon wax moy ka bi nga xamné waji jël alal ji ñaw joxul non waji jël wax na ñeen biir moy né mom day dello alal ji ak ni mu koy dello we bu xamul waji ni mi procedure yi mi jaar ngir dello alal ji bu ko xamul musaraxe bu gisul waji retrouver wul waji musaraxe ko yene ko waji mu sacc wala waji yo xamne da ko sacc ba pare mu deeta amatul gisatul ken mu ngi melni ma demone Belgique tay mbukum fa ben way nax fa ben way sacc alalam ñibi ci France tok ba 5 ans meureccu nak fek alal ji ba legi mang ko yor xawma kan la xaw Bruxelles dal lañ deg ci mbedd mi xam nga Bruxelles dafa yaa fek ay ané rombono moy ku mel nonu boudé yow mano yeyep boko défé mano ko jot mano retrouver waji ngir délo kala lé da ngay saraxé affaire bi mais yéné ko waji bañ ko yéné sa bop ndax boko yéné sa bop nan ma ngi saraxé di kiñ koy sarax diko jaay né man mala ko jox da ngay am bakkar yow lolu moy ci côté waji nga xamné mo jël alal ji ñun nak côté bi ñu doon wax moy côté waji nga xamné mom lañuy jox alal ji xam nga bokkuñ waji sacc ak waji ni bim ngi ki waji ni jox alal ji bokkuñ ñun ka biñu doon wax moy ka bi nga xamne waji day jël alal ji mu sacc wala alal ji mu gagné europe julewul ji dal alal julewul ji diko joxé kené budé waji lo yo xamne mom yakamti na ñeen jël ngir mu mané wala gaay for yeb wa dëkk bi gaay fi xam xam xam gaay fi nekk gi yeb bima len joxé dañu jël comme l'onas senegal rek wa l'onas ñeu jox la alal nga dip sey nga jël légui yow lool lan lay créer moy gaay bes bu fa ben ablaye ndjay ñewé nan day wax ak ñom nan leen yeen l'onas sen alal ji ngeen dikki dafa haram da nan la buñu fonto khalifa diiw dam mom gi mako res wala ma galam gi lama fa def ta waxul dara ta mo le gina xam yeen xamu ngeen dara comme niñ ko waxon bi passé moy alal yoyu ñooñu duñu jël dañ nan leen duñu jël seen alal alal dañ leen koy wax neen alal du lewul la man bu mako jël ta alal liggey gi ñeen liggey dafa haram mu leer ñun nak sama gam wala sama ceremony bo ci bëgge bokk dañ fi indi lu lew ndax da ngay deg ñu ne daayira l'onance dañoy ziaré ji tay lool da ngoy deg Sénégal voilà lool kon ñom xam nañ affaire bi daayira l'onance kay li ñuy ziaré ji caisse l'onance lay joggé ci seen nat yi ñuy def seen bir di cotiser ngir ki fu ñuy jël alal yi ñoon da nga leen di yégal ni yeen premièrement fi ngeen di liggéey baaxul li ngeen di liggéey kon baaxul man nak en tant que nitu diine wala kuñu xam ci diine ak yoy wala kuy gor gorlu ci diine seen alal ji set len keneen ku ngeen ko jox mais man duma ko jël xam nga lan motax ñu nan ki nga xam ne dafa nek ci ki nga xam dafa ñak amul dara wala ñu mel non ñom nañu jël alal du mel non dagan na ci ñom xam nga lutax moy ne ñom amuñu choix wa tek ci même waji bu amé choix lég lég ta du yobé ki joxé mom mu japp né lim nék baxna di ci poukéré wu ci kaw ñi ci dess buñ ko waxé mu nan top leen né la xamu ngeen daan wax serigne di wala oustad di wala cheikh di wala oustad di jël na xam nga luy problème lan motax moy né imaginer waji gagner 1 million 1 million yi mune ñaara fi am soa dal ma jox ko oustaz diw wala bu jëlul ma ubbil ko gona yi ben dansine mu ñuy fecce par sand legi waaj legi dañ lay laaj legi ko du muy def moy ne alal ji waaji du ko jël pour ne ke waaji yow li nga joxe da bax de mais da am lu muy daw éviter mu dougal ko fu gina pire ndax du alal ji ci jëm mo bon alal ci bopam bonul mais ni mu ko amé mo bon affaire bi lool la moy bu don mbir mi ci bopam mo bon bu boba mom kenn manuko jëfëndiko mom mu ngi melni sangara bu ñu néla sangara dafa haram amul ñu nan waji mo défar sangara si yaw mom grawul da la jox jëlul dedit ndax sangara ci bopam lañ mo haram ci bopam alors alal du alal ci bopam mo haram xam nga yalla neewul alal da haram comme nim ne sangara da haram moy ni ngey koy outé alal ji moy tax mu bon motax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam don wax ne yawmal ne yawmal khiyam ben doomu adama du jog du bu deke bu tege bala mo tek ben pa bu genee bamelam bala tek ben pa dina am ñent laaj luñ ko laaj yo xamne par force da ci ton bokku na ci sa alal gi buy jog malaka bay melni malaka day malaka yu ko ne je poñe ko acca waxal sa alal ji foko bokku na ci question yi kat yi sa alal ji foko jele won ak bang ko amé foko duggal gis nga kon foko jele won budé dang nga da bax da nga moy lol audit la budé fiñ ko ki dafa jaar yoon ak biñ ko amé moy ndax am lu dagan rek doyul man na dagan ba paré nga jël alal ji duggal ko fu haram motax mo ne la bang ko amé foko duggal mir mi dou dañ ne dañ alal ji mo bon lol motax gaay ñi nga xamne dañu nekk ci kaayo ñu mëna jëfëndiko alal gi mais budul lolou même jëfëndiko lu haram diko dundé comme yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wax ne yaram woow yaram wepp yaram bo xamne dafa dundé lu bon lu haram koku mom safara mo gina yey ci yaram woow moy buy dé bu jéggalul ba yalla jéggal kok safara lay dem falay lakki bax li ñu leer lek dara jubu ci modax loolu lu jara préciser la du ne dañ nan waji da sacc nga gis alalu sacc dem jël mu lay jox rek nga jël dem sayo waxuñ la loolu loolu wax moy ay procédure la waji premièrement alal ji bu dé da ko sacc nako délo ci ñi mu ko sacc loolu mo ñëk boudé xam nga dañ la même boudé man ko délo da koy saraxé mais duñu saraxé yéné du ko yéné bopam da koy yéné ki mu sacc légui xam nga bu ko saraxé nonu amna kuy jël légui ki jël est ce que di nga né waji alal di non alal di alajul alalu sacc la non dañ nan ko jëlal dañ nan ko jëlal quand même voilà mom façon yu mel non lañuy wax mais waxuñu waju sacc alal nga gis mu sacc nga gis ko mu tafu waje 5 euros legi ba pare ñew dox la ci 2 euros nga jël lolu yeen ñaar ñepp li ngeen lek safara lu ci seen biir lolu mom kenn waxuko ndax woro fi lenn la moy il faut wax yi di leer bo waxul wax ju leer rek dañuy xeyfé ñom di def liñuy def ne di woko waxon moy biir yi da wara leer kon ci côté bobu non la demé légui kon ci condition yi kon gis nañ 5 yi buma djoumul xaw naño def touru question yi nga xamné ñoo doon relative ci affaireu man légui voilà mu dess est ce que jigen di nga xamné voilà 5 conditions yi ñu waxone dafa am benn bu ci dello ko pour jigen ni 5 yi le goor ñi ci lañu goor ñi mom il faut ñu am 5 yoy ñu waxoon nek julit am xel do nek goné nga libre ba paré nga man ko 5 yoy il faut mu remplir ci goor goor julit ngi mu mëna aji goor jigéenu julit am il faut 5 yoy remplir mu légui mu yokku ci mu dess bénn ci ñom xo xamné bobu ñom rek la concerne 5ème condition bi moy worum jigen ñu jullin mana aji makka moy buy aji soit mu and ak moy li wolof nan koj armal moy ko xamne manu ko tak mo xam domam wala papam wala freram wala ñono ko mënul tak voilà il faut mu and ak koku wala wala lool moy ben bi il faut mu and ak koku wala mu andak mu bokku ci convoi bo xamne wala ay nitt ñoo xamne convoi bo xamne woor nañu même bu dé jigen rek lañ grawul mais na woor xam nga lool tay c'est réglé moy avion yi c'est sûr nitt man na joggé fi jigen man na joggé fi dem ba makka aji sa mo am problème ndax compagnie bi premièrement ñi lay fi ngay dem moy gaay dañuy xamanté dañuy avant ngay ñew jour bi ñuy dem moy ay mois lay doon na ngeen di xam compagnie bi nan la turu kanak kan atanam da ngeen di nek ñu bari ngeen and moy ne convoi bu melno wala andano bo xamné andandor bi day sûr lool bu amé jigen gi man na dem même bu dé andul ak frèram wala ñooñu lolu nak ci aju farata rek la meuna nek moy aju farata ko xamne masola aj di aji aju farata koku mom il faut yoyu am ndax li dernier bima wax ni sax borom xam xam yeb rahimahullah d'accorduñu ci de moy ne bu ñëkk bi da xam nga dama ne il faut mu and ak coach armalam moy ko xamne sœur magam wala frèream wala bayam wala ñooñu wala mamam wala ñu mel non bobu ñepp ci d'accord mais benen bima wax sank nga xamne moy ne il faut wala convoi bo xamne dafa woor lay andal mo xam ay compagnonnage bu woor lol ngiru imam malik ñom bokku nañ ci ñi nga xamne ñom dañu ne lolou bu wuré bu amé compagnonnage bu wuur man na dem ci aju farata nak ñom aju farata rek lañu ko permettre kon lolou légui lolou ñu guinn ci wax ni ndax mu gina leer moy da nga wane ay taxawal yow li ngay wax dafa melnu compliqué nañ wax lu leer Elizabeth mi dafa tout wala soda nyaay mi dafa bëgg dem mak mais nak yaayam nek ba soeurum neew man da and ak ken mom rek ka mana dem ay mbokam manu ci and ak ken manela wa legi kon xam nga nu muy def compagnie bi mi nek bi mi andal ñom buñu woré rek doyna Air France lay jël Air France woorna ay nit ñu bari lañuy andal duñ nek lolu doyna koku man na dem lolu moy wax yi moy kon tay ku ñewon vi ne man ah man soxna diiw da ma bëgg aji mais nak lima dégg dañ né il faut ma and ak sama coach armal moy go xamné manuma tak sama frère mais bu mané manuma tak moy ñima ci wax ni ño tax may wax ndax am na ño xamné duñ la mëna tak ndax période bi ndax ab durée moy tax moy ko xamné imaginer ndaw so xamné mom li tax waji manuko tak moy dafa tak seureum xam nga dañ nan ndaw si diiw de manuko tak lutax ndax waji mo tak seureum mais waji bu takale ko won ak seureum ba ay après mo man na tak fam bi ci dess xam nga lol kon koku waxuñu côté bobu bi côté bi ñi wax moy ñi nga xamne comme sa frère ay sa mak sa yaay wala ñi nga xamne sa ce qui sa mam ak ñoñu lañuy wax moy ne kon affaire bi lol la moy il faut kon convo lol bu dialé ñu né kon budé compagnie bi wala ñi ngay andal woor nañu lolou doyna moy ñu bari ñen di doon ngeen jogé Lyon jël ben compagnie ngeen dem aji lolou baxna lolou ci ngiru Imam Malik rahmatullah alayhi mom baxna kon lolou moy 5ème condition 6ème condition mi nga xamné jigen ñi la moy yok ci 5 yele legui mu am benen question ba legui ci walu jigen ni moy est-ce que kon jigen wa jigen gi nga xamne day teñji wala jigen gi nga xamne dañ ko fassé ndax Sénégal ñun wolof yi dañu am problème moy yu bari xamnu moy japp nañ ni jigen boko fassé rek da wara dem kërëm ci sasi alors que mbir yi wara lu dem non dafa wara dess ba idam jeex légi na mais waji ndaw si nga xamné mom day téñji mom aj jot est ce que mom man na dem fekk mom période aj bi ci période téñji bi la est ce que koku man na dem wala man da dem dañ na la non koku man da dem lutax manu la dem ndax téñji bi dafa limité moy période bu limité alors que aj dafa yaatu moy fek mo ngi dundou diko man moy at yu bari la bu ko deful ren man nako def dewin alors que tenji bi wer yi ak 10 jours yi bu ko weso moy jeexna man ko dabatal moy man ko rattraper comme que lo xamne dañ ko meuna rattraper mo ngi fi da fe nek même bou dé farata la ak lo xamne farata la ta manuñu ko rattraper liñu man da rattraper bom lañuy jital après liñu mëna rattraper après ñu def ko après kon lolu motax ndaw si nga xamné day téñji mom même buñ ko mayon bien makka dañ nan ko é yow do mu nekk ci biir période bi mi téñji dañ nan ko do dem yow mëno dem ndax li yow li la yalla sant après nak bu wéso boko mané nga def mo ki nek ci idayam budé ida bi ci bir ki wu makka gi momi dañ nan ko dédé yow tamit da ngay xaar ba dewen wala benen yon légui kon lool moy ci ko jigen ki légui kon paré nañ ci condition yi légui nak ndax dañu bëgg tay ñu jéxal genre question yoyu inshallah bu ko défé bi di ñew ñu dugg nak premièrement rek ñu dugg ci premier ponku aj premier pilier ak nga xamne moy armal inshallah legui mu dess ben mu dess yenen question moy est ce que nit man na aje alal du aram bob waxuñu ko won dañ ko tudon comme hypothèse ay question yu ñu warona répondre moy est ce que nit man na gagner euro million wala pyramide boudé sénégal ci pyramide bobu wala euro million bobu wala français dg bi mu gagner fi loto mom mu jël ci mu né waw kay oh des années mangi may jouer yalla tay dimbalina ma gagner lima koy santé nak moy aji di ñew duma raw dama kon nak compagnie air maroc wala benen acca dem na jënd na billet damay aji koko est ce que légui bu démé ba adjam baxna comme niñ waxone kéro wa jo xamné dañ ko denk ak tontine nga né na yo sax tontine mom warul moy da baxul ndax lén la moy gaay nat yi ñi da alal lañuy jël di joxanté ta duñu ko joxanté ci téw mi téw alors que yolen du sahab dañ alal boy jox kenn alal mo lay jox alal da fa wara nek téw mi téw comme ko ñom dañuy jël lu bari ben wer jox kenn benen wer kenn imagine waji tey caisse gi mom ñu jek rek deggatuñu ko comme ko fi nit ñi dañuy louer ñu dem kërëm sonné jallu ñu dem ben jour fekkatuñ fa touram ñu laaj régie bi ñu né non il a déménagé depuis té pourtant gis na né sénégal ñu def tégg yi pour dem makka waaw wala bokk yow ben la yoyu c'est que ñu bokk tek après ñu def tirage c'est que tek ci bopam nat ci bopam mo baxul nat diw teggi après benen mois kenen teggi lol mo baxul ndax bayon sarf moy lima la wax sank moy bu lé xaliss lañuy joxante dafa wara nek tew mi tew buma la joxé ni nga jox ma lol la wara démé mais ñun liñu soxal sax du lolu moy ñom xam nga lo wa li nga wax ni mais gaay dañuy tek di dem mak ci question bi la dugg moy ko xamantene ni dal alal ji mu demé mak mais nat nit ñi dañuy def amna ño xamne day tew par exemple da ngeen di def le 10 de chaque mois chaque amène quoi tu vois waaw ñu da ko ne ñu dajale jox kenn loolu lañ wax moy yow dañ la wara jox après han xam nga yow dañ la wara jox mais yow li nga joxe joxuñ la ci sase ah mais duñ la waaw loolu moy problème bi moy yaronu sallam dane az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil-fiddati bir-riban illa mithlan bi-mithliha an biha moy khalis ñu jëm ci khalis waaw or ak or mou koy ki mais li aussi khalis la parce que wa lol la lo yow duñ la jox legui mais sa tour ko chacun son tour si paregul lol la mais khalis lay don c'est pas ba hadith bi may wax pareguma ci dané khalis ak or ak or riba la khalis ak khalis riba buñ né khalis ak khalis moy comme ma joxé khalis ñu war ma jox khalis wala ma joxe or ñu war ma jox or lool la ne riba la ludul ha an biha moy ha an biha damay ñaan moy li wolof naan loxoy kadior da fay wessowo moy dama lay jox ni am nga jox ma ak benen loxo bi ma jël wala ba jox la legi ci moment bi mala joxe nga jox ma bo mané xaaral oh ma dem sama kër jox la lool riba la xam nga yoyu xam nga lolou non c'est vrai que ñun wolof day nek lo xamne day bes ci ñun da bañ nan mais lolou mais ñun lolou ci ñun ñun lolou ci lolou lañ dekk comment la lolou man da baxé dañ nan la mais xolal affaire bi gis nga bo gisé li l'islam du téré yoy yépp da am ben affaire bu muy bu mu bëgg dindi ci biir nit ni moy bañ nono am seen digënt imagine le waji yow mu jox la 5 grammes d'or nga war ko jox 5 grammes d'or mu jox la nga ne ko xaaral jox la ko 14h nga ne ko xaaral ba 17h après ma jox la mais li do par exemple lima lay bëgg expliquer sur les 20 c'est des conditions yo xamné c'est comme ça tu vois par exemple chacun day joxé tu vois par exemple yeen daïra bi quoi tu vois tous les mois ngeen def ku ne def 53 c'est ça lool pour caisse gi la lool lool après duñ ko jox ken après wa dama la jox exemple sinon nous rek tu vois mais ngeen dajale par exemple ku ne def 50 euros tu vois ngeen jox ko ken tu vois l'autre mois ngeen def 50 jox kenen tu vois l'autre mois tu vois natte yi lool lañ la né loolu façon njaay la moy né waji joxé mom day am lu muy xaar waji joxé mo ngi xaar touram wala deet mais li kay chaque si ma ngi ñëw c'est pour avoir de l'argent sur le champ quoi si ma ngi ñëw moy le koku yow jëndante wo quoi da nga def rek non jëndo mais da nga garder sa xaliss c'est comme garder sa xaliss sans intérêt quoi wale wa garder la sa xaliss sans intérêt lool la wax ki joxe 5 grammes d'or waji war ko jox 5 grammes d'or ne ko xaaral ba ci kanam bama dem sama keur ñëwaat xam nga loolu riba la même bu dé mom 5 grammes la yeul li joxe wat 5 grammes Hey, yo, dama, t'as pas demandé à que mu jox la, tu vois. Par exemple, boko joxe 5 grammes d'or, tu vois. Mom, par exemple, yeen bu ngeen dajé lool, da décider né, tu vois. Bo ñu joxé ki bi, benen yoon ñu jox ki, benen yoon ñu jox ki. Wa, lepp yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dañé bép charte, bép condition bo xamné nekkul ci téré Yalla bi. Dafa neen, dafa nul et non avenu, même boudé. Hein? Dafa mat sans charte. Sans condition yo xamné andul ak li yalla wax ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam day ñuy ak ñu ngeen ko mëna tuddé loolu motax xam nga lima la doon wax sank moy né ñaata la motax l'islam du téré lool bokku na ci sagesse yi moy bañ digënté julli ñi nono di am seen digënté ndax loolu source man na li source do nono imaginer ñaata tontine lañ fi la waji daw ak mom wa xuma non wa lo am wala di nga natal nit mu ñew do mo amul bañ la natal doxatu la legi yow nga fogg ne nang ko jappé won di nga continuer diko jappé non considération bi nga amone ak wegg gi nga ko amone dotul la bu ngeen moy wul seen digeete falay jaare ya ndax lan ndax lo xamne te debi ba l'islam téré na la ko bo ci teunk won même boudé japp nga ne affaire bi non mais lise li dara waru ci nek mais xolal ñaata nit ñoo wax ñoo ñemetu la dox ci mbeddi ndax caisse guñu depp wala bok tontine buñu bokkon comme ni ngeen wax moy ne du sax caisse gi da am xolti mais dañuy ñew di joxe par jour bu nek mom mu dem ba manatu la genn di fenn rek moy day créer ay mbir ngir won gaay ay dama fay ki won sama ki dafa febaron sama ni dama tollon créer yo xamne dara du ci deug gaangi def li guinete bon muy wax lu amul lolou motax yi l'islam du terre da ngay gis sagesse surtout ci walu njaay da ngay walu jeufleunte ci digeunte nit ni moy sagesse bi c'est repérable moy ne dang koy gis ba lepp ngay gis sagesse ndax yalla mo am mo xam sagesse mais li ci ëpp na ngay koy gis moy ne day bañ digënté nit ñi surtout julli ñi nga xamné seen digënté dafa waro na ri tax problème am fa ndax même bu dé yeen nga koy def muy jall man ngeen ko def 5 ans mais du ñak ben jour problème am seen digënté ya alors que bu ngeen ko deful won moy yeen buntu bop teñ ngeen ko iblis manu leena jaar fofu c'est fini légi lén nak man na am moy né xolal nit ñi man nañu né ñun ay mbokk julul lañ wala ñun dañ fay nek ay maire lañ wala ay pa wala ay jeune yu nek dañu kenn ci ñun dina soxla ben jour lo xamné peut-être du disponible ci mom légi lool c'est facile kenn du la wax def lén comme neulé ndax bob baaxul dañ lén lan légi man ngeen di cotiser chaque mois ngeen di def 50 euros ku nek wala 2 euros sax wa yéné xol wa mais ngén né affaire bi dañ ko fi def pas désigner ki koy mom mais képp ko xamné dafa soxla ñu jël ko jox ko ngir yalla ta duñu ko topat nan ko par force nak ñu délo ndax bo défé moy dañ koy def ngir yalla momit mu honnête tamit bu même bu dé ay mbiram fajuna tamit mu man tamit wér wu dé tamit bu dé man nako mu ci def lool baxna lool c'est la solution moy l'islam dou la tejeul porte ak fenêtre mom bu la tejeulé porte gandam boulevard la lay ubbi nela li la bo bëggé ndax yu bax yi mom mom yu bon yi li tax ñu leen di lim moy dañoo dañoo bari wuñ moy né motax buntu ndjay par exemple donc par exemple lolu boko waxé par exemple buñ nit ñi dajé quoi ñuy joxé di joxé ti wa mais pour aljuma ka be motax may wax lolu ti wa légui ñu dindi ci kenn jox ko né ko demal makka ti wa waaw lolu mo gli won niru moy né dañ né dañuy dimbali won te ngir dañoo bëgg ku nekk dem quoi waaw mais na baña nek comme gaay yi comme li jëm ci nat nga xamné moy né affaire bi dañuy ñëw wa parce que ça revient pareil si c'est tu vois non c'est pas pareil ndax bi ni boudé da ngén né dañu yor ci caisse lañu yor go xamné dañ ciy def wa def ku soxla ñu jël jox la lolu moy dañu né ku soxla moy né nit man na ci bokk ba dié ta du am ndax mom ma solo soxla ta mom dara du ko ci fekk ñeneen ñi jël duñu am benn tor ko duñu am tor han ndax mom nekku ñoon ci nat alors que ci nat yow waji il faut nga bo xasse jël yow nga teggi ba pare bëgg neen yow pare nga ci non pare fan ah non pare ko délo wal gaay alors que feulé du fa mëna am moy né volontairement lañ koy def ku bëggul nga duñu teñu kenn ko par force waawa duñu né kenn waawa par force joxé aussi bu dé yoon wi amul mëna na baña joxé quoi waay c'est ça moy né bu amul mbir yi waawa mi ko amul graw alors que bé amul ko amul yow da ngay lébi ngir def ngay lébi di tek sa bop lo xam légui pour avancer ñu ñëwaat ci walu ko xamné billet bi mu démé wala lim démé manan billet ndax billet mo gëna ci moy lim démé makka dal daganu moy dafa haram mo xam dafa agresser nit fekk ci mom 4 milliards jël ci milliards yoyu dem mak wala mu ñëw sacci yefi jambu wala mu jouer yo xamné ay pieux meki jeu de hasard yoyu légui mu dem mak est-ce que koku adjam baxna lol moy laaj bi est-ce que sa adj baxna kok adjam baxna wala det non koku dañ nan on doit pas agresser lol ñepp ci d'accord mais wax ji moy est-ce que alal ji ngagne moy li ma doon wax sank est-ce que alal ji ci bopam mo haram wala acte bim def acte be bon acte bim def mo baxul kon koku dañu nan kok lepp ci borom xam xam bi moy ngiru imam malik tam rahimahullah dañ ne ko sa ci alalu jamur wala mu am alal yu mel non détourner caisse dem makka wala nga sacc bi nit ko xamne ci touru nit la wonon nek nga fexé ba def ci zotour def ay maguy quoi ay maguy bañ def ko zotour après yow nga dem c'est un délire dañ nan la yow sa acc baxna dañ la nan baxna sa acc baxna moy lan moy sa acc werna moy lan moy ne ken du ñew ne la benen jour wala benen at ne la aji watal ken dula ko wax ndax def nga aji moy bo deme def la nga fa wara def même boudé alal ji la fa yobbu ak jang fa nekké dafa haram dañ nan la wa yow sa aji baxna moy ken dula ne yow sa aji de toute façon c'est nul kon nak da ngay aji wat dañ nan la sa aji baxna sauf que ken duko nangou mais amna différence baxna duñu ko nangou ndax lu bax lu nek buñ né bax moy wër moy né def nga ko def nga liñ la digël nga défé ko non mais sauf que yow alal ji nga yobbu alal ji baxul kon koy war nga ko def war na non do ko defat ndax bokkuñu bokkuñu de moy motax manan la lu jara def lu jara différencier la moy luñ ne ne baxna moy ne werna moy def nga ko niñ ko niñ waxe nga def ko ak le fait que ken après nak ken du ko nangou imaginer nañ jël yenen exemple ngir mu leer waaji nga xamne dafa satiyere jambour sol ko mom rek la sol taxaw di julli ko julli mbaxna wala baxu warna bax di mama ko way ndax lan farata la wala kon koku xam nga deng ne baxna mais même mo ngi julli mais dafa def lu bon ndax dafa yere yim sol dako sacc moy na yalla le fait que mu sacc yere mais julle baxna ndax def na liñu ko waxe mu julle solo na ba jek ba jot lu jot taxaw na julli ni ñuy julle bude timis mu julli ñetti rak ak niñ koy julle ko dañ nan ko su julli baxna mais am nga bakkar le fait que nga sacc yere jambour taxaw li ci julli moy ne du yere bi fofu xam nga lan lañuy sét lan motax affaire yi am différence non moy ne côté yi dañu wouté côté terre yi lim def obligation bi nek julli mu def ko ak sacc gi dañu wouté xam nga bokul da sacc fe ñew sol yere bi da ko sacc quand même taxaw yi julli moy ne waji est ce que julli bir julli mom julli li yak julli est ce que def nako wala det ñu ne non def ko nak def na lepp lu waral ñu julli kon dañ na julle mbax mais nak dafa sacc yere jamm xam nga ne nga bax lool nak mo ñew ci ajji moy ajji bimu deme dem na arafat wurna kaaba gi tawaful ifada def nako bu farata bi dem na minan sanni na jamray def na li ñu wara def yeb daw na safa ak marwa def na ñu wara def yeb koku duñ ne ko ki li mu def defuko dañ nan li duñ ne li mu waron def defuko def nako mais liko fi indi alal liko fi indi dafa haram xam nga lol dafa wuté gis nga ni mu wuté est ce que yiss nga différence bi moy ne liñ la ne li nga wara def ci ajji comme ay wër kaaba gi daw safa marwa ak dem arafat minan yoy yeb mom def na yoy def nako nim ko waray def moy kuko gis ni da nga nan ki def adjam parfait sauf que alal gi nak dafa haram kon dañ nan adjam baxna alal gi dafa haram yalla du ko nangou xam nga lutax ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo ne yalla du nangou julli kenn ci yene mo wax lolou ben hadith bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah yaron nabi sallallahu alayhi wasallam la la tuqbalu salatu bi ghayri tuhur yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dane yalla bu dane duñu nangou kan mo do nangou fof moy yalla du nangou julli kenn bu amul la moy bu labul moy li taxone bi passé rek nga tok waji tok fe am wara sol lu jot wara ki bok jappul ba pare tok ñew di julli ko ñu lem baxul yalla neena yalla du nangou julli ju amul lap yo xamne jappamu ci budé da wara japp wala sango sek budé da waro na sango sek wala tim budé da waro na tim yalla du ko nangou waye tamit yalla du nangou sarax bo xamanteni ni ci wuruj nga jëlé alal gi ngay sarax mo yalla du nangou lol ta yalla na né ki yaronu sallam da né yalla de ko téy la ben hadith mu nek imam muslim rahimahu allah dana inna allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yalla de ko tey la ta du nangul lu tey waji sacc mom lim def tey na tey motax koku moy ne ken du ko ne kayatal def mais mom ci bopam bu conscient mom mo wara ñi a sama aji mom wa normalement ki koy def do wa ci mom ci bopam bu tuubé man na tuub sax man na tuub yalla djéggal ko bal ko nangou ay affaire mais nangou ki wom nangou adjam mais le fait que mu yor alal ju lewul ba paré démé ci makka moy ken du ko né kayatal adjat ndax adjam def nako moy aj giñu faratalon yalla faratalon ci julit bu nek bu ko man ben yon mom def nako même budé alal ji ko fa yobbu dafa haram kon dañu nan koku adjam baxna moy moy ne def na niñu ko waré def baxna tekki wul ne nangou nañu ndax du lo xamné imaginer waaji nga xamné xam nga julli mom loy gina bayyi sa xel ci sa borom sa yool di gina bari lu muy gina deñ tiyaba yi di gina wañé voilà c'est pas facile mais diko djema di def bokku nak ci la ci dimbali bala nga julli wala nga bari loy xalat ci yalla ak yu mel nonu nga xamne boy julli day yom mais boudé yow yoy do ko def julli jom nga neure teub rek julli film bi nga won sétane mo ngay xalat waji lan la ko wara wax action bi lan mo ci wara top bo moyewul sax di nga julli paré nan mais man ñett la di lu la gën ah ma ko def ñett rek film bi day rob acca taal lolu xam nga lolu jallu kon moy walu alal lolu moy ne waji sauf que nak amna nak ci borom xam xam ñoo xamne dañu ne mom de toute façon baaxul mom day adjat lolu par exemple ngiru imam ahmad moy kiñ la waxon kéro ci ñenti ngir yi la bok rahimahullah ñom mom dañe ñom seen ngir képp ko sacc alal ju lewul nga dem aji ci sa aj baaxul dagay aji wat mais nak wallahu ta'ala alam ñin li ñeneen ñi wax mo gëna deugal moy ne ajam baaxna mais kenn du ko nangu moy ne ajam baaxna moy duñ la ne nga ñew defaat aj giñ la farata lon ndax def nga ben yoon la ci julli mais nak yalla du ko nangu xam nga lool lan moy différence imagine ñu ñew ci kanamu yalla yawmal khiyam moy ne koku liñ koy teggil moy dinañu ko teggil lam motax aji won mom ken du ko laaj lutax aji won non yow moy aji won mais condition yi nga aje won yi nga aje won baxu ci moment que yé aussi yalla bala ngay aji wo expliquer na la ko jël dans de fait ça pour tu vois pourquoi tu fais autrement tu vois c'est que lool moy am xam nga atté ci diina buñ koy tek duñu tek gi nga xamné moy li nit ñi wara def rek dañuy tek tamit li nga xamné wa bu nit défé contraire lool ndax lool day am xam nga yalla non la bind nit ñi pour moi tout a une logique quoi tu vois toujours da ngay suivre wa ki yom bokku mënul ne fais pas moi c'est ce que je dis tu vois wa si tu peux pas respecter ces conditions là ne fais pas abstiens toi tu vois ku sacc alalu jambu ñew naan la ndax man na aji dañ nan ko e del sa faire soit tu vois way boul dem diko defé lo xamné tu vois motax ñilé ñiné baxul motax da ngay dégg amna nak hadith ñu tekkalo mais hadith yoy hadith bob deugul moy né hadith bu faible la wérul nan nit ki parce que moi je pense que même du lit bi si bopam tu vois bo ragalé vraiment ta peur des conséquences de ce que tu fais là tu vois do du yoy tu vois wa ci yone lool moy du lit non la wara mel normalement mais yalla deful ñepp de def nono xam nga yalla yema dafa bind me yemal wuul ñu inna sa'yakum la shatta mo ne yeen seen jëf yi dafa wuté deug yeen nit ñi seen jëf yi dafa wuté yalla mo bind sa yemalé wuul da ngay gis ñaari sheikh yu bokk benn biir ñu genn ké baax lool ké nek agresseur international bokk ndey ak baaté bokk jàngé ci daara ji cursus bokk lepp ñu paré ké nek yaram bu nopi di dekk way nek ci diiné ji ké mom waaw foko fekk ci dansine yi agresseur la nek lool yalla mo koy def lool motax diiné du ték rek pour ngir ñu baax ñepp mom day ték ngir ñepp ouais c'est ça motax ndax yi ay cas yu existé la il faut ñu traiter ko il faut l'islam traiter ko moy nit ko xamanteni ni mom ndax aji dañ nan la ni nga ko wara def ni nga ne waaw légui nak day am question yi ñepp bu kenn mi ñëwé défé ko nenen mudul ni nak luy xew motax yoy motax fiqh am solo moy day sa pensée lay lay ubbi moy ne do yem rek ci benn mbir ñu ne li la rek nga yem ci moy da ngay poser lo yeneen question day tax nga du fi dag dara ne ko mënu wa ko dag kay legi lool motax koku kon dañ nan kepp ko xamne dafa gagne pied bi dem ci makka adjam baxna mais quand même mom limu def dafa haram le fait que mu jël billet bo xamne lewul dem ci makka koku mom adjam baxna mais yalla du nangul lu kay ta mom kon ken bu ko nangul mais bénéfice li ñu mënon tuddi bénéfice ndax amul wax bi rek moy né bu ñëwon ci kanamu yalla kenn duko né lan motax est ce que aj gama la téré aj ba dañ nan aj wala mais nak yow aj ja na nga ko défé won baaxul mo taxone sank hadith mala waxone né sa alal ji bok sa alal ji noko amé ak bang ko amé foko du moy am naño xamné dinañu réussir bu ñëkk bi sa alal ji noko amé daga non na dañu liggéey bu dagan ba am ko mais biñu paré fiñu ko duggal mo baaxul ken dou len top le fait que alal di ni ngi ko amé won mais dinañ len top le fait si ñeen ko duggal ki yit non la moy mom duñu ko top le fait que yow aj giñ la waxon defo ko moy motax par exemple juge bi boudé ku am alal la wala yu mel non ken du ñew ne ko diko forcer nan ko da nga wara aji ndax ajon na mais aj giim def moy ne def na bakkar même boudé lay aji da nek mo koku mo ki sakki tir jambour bi fa julli moye moy wajo xamne da fexé comme rek sakki tir ni bare Sénégal nek nga autorité nga fexé gis ben fami bo xamne am nañ keur yo ay fifi bay yow da yow sa pouvoir nga user sa pouvoir ba am terrain yo xamne nga user sa pouvoir ba am terrain yo xamne nang ko jël ci sa tour défar ci sey gui ba paré deuk fa difa wacce ay kamil ak difa julli yow sa yoy ngay def dañ nan la waw sa julli nga fa julli baxna mais nak ci bakkar nga deuk le fait que nga deuk waw keur go sauf que boudé hanbali rahmatullah alayhi ñom boudé ko kuy julli keur go sacc ñom dañ nan la sa julli bax ndax keur fi ngay julle nang ko sacc ta defo ko li yonandi sallallahu wax ñu defé ko da yonentou sallallahu alayhi wasallam dane won kep kou fi indi lo xamantene ni amou ci suñu ndigal dañ ko koy dello to comme ka di julli keur guñu toje sacc keur bi fa julli amou ci ndigal yonentou sallallahu alayhi wasallam dañ la koy dello mais li gina ki moy li ñey wax nga xamne ño upp sax ngir bi tamit ngir imam malik rahmatullah alayh ak shafi'i hanafiyyi ñom dañu ne lol baxna moy ne dullem quand même bax mais mo ngi ci bakkar quand même le fait que mo sa ci keuru ya bakkar yoyo sa xam nga yalla comme day jéggalé est ce que bakkar yoyo aussi c'est des bakkar yo xamné yalla di nga def lo xamné dina la ko jéggal waaw yalla lepp lay jéggal lepp lay bokalé sax yalla da koy jéggal moy né ku bokalé sax bo toubé yalla da la koy jéggal mais dafa am yo xamné do yem ci toub rek boudé akku jambour la dang koy da ngay toub quand même fi yalla ba paré ndax yalla mo gina mag lepp mu bind la téré la nga def même boudé alal jambour na sacc moy yalla nga ñëk ki xoti ay limu ay lim la won bu ko def après ki ci dess nit ki boudé lo wara délo la dang koy délo lool mo mais motax ko jëw tan da ngay wax mu jéggalo jéggalo yalla da ngay wax mo mu jéggal la mais boudé xamna né buma démé nan ko ah bi do mala djew do dina am problème sen digënté do ko wax yéle do ko wax ndax day andi pou day gina yow day gina moy da ngay djéggelu yalla ba paré da koy ñaanal tamit yoy mais ta tamit fa nga waxé won lu bon ci mom nga fay jaar bi wax lu bax ci mom non da koy réparer moy né lama len doon wax kat ci diw dama doon saf rek waaji yi ma doon wax non amul way c'est ça moy non ngay def mais bo dem c'était comme ça voilà mais bo dem buma néré ci buma ko waxé mom sama digënté mom man na ma door sax bal kok dañ nan la déggé bu ko ah mais entre dilé tek dilé ah am nañu tal mu xol am nañu xamné descendre la am nañu né bo len ko waxé sen digënté dañ gëna ki mo tax ñu mel budé lool la dañ nan la déggé bu ko wax mais nak fepp fo xamne dang fa togo waxon fa lu do daral fo nga réparer te di ko jéggelu yalla di jéggelu tamit sa bop deug la non lañuy réparer yoy kon ci walu aj marke bi kon ci aji ak alal du haram lool la moy ne ajam baxna moy ne duñ ko kon waxat nga ñew defat mais quand même limu def baxul moy bakkar motax ñeneen ni di sukkandiko ben way ko arab bu do wax naan idha hajajta bimalin lasta malikahu fama hajajta wala ki hajjatu ayy li tax nga diko jox mune bo ajé ci alal do xamné momo nala leer ne adjo waye nala mu ngi melni mbam ñi ñoo doon adji rek ab mbam bu doon adji am nga mbam bu dem def li ñi adji moy mbam amul dar mu ne mais wax joju ba wallahi alalam ñi la ñoo gina deugar le moy ne adjam bax na tawam ku gagne euro million wala pied mi wala yoy kagreser nit dem makka alal waaji sa aj baxna mais bakkar nga def ta lolou du teggi ñu ne la alal ji nga jëron ji mom delo ko ta buré da nga ki wor ci dekkub julit ñuy appliquer sharia buñ la jappé ci lolou dañuy dag solo lolou il faut tamit mu leer kon en ce moment Sénégal la ngi débar ci ñu romen ñu di amene peine de mort dégg nga ko dé dégg na len ñu wax boko tek sen bok yalla bu la né doxalal ni mom nga né man tubab bi lay am wa ñu né 2004 wa xamna lool la rek tubab bi xam nga yeneen rew yi aussi ñoo lool la quoi ay États-Unis ngi état yu bari ko ray ñu ray la ñom luñu len wax dara gis nga ko ñun nak mom comme que gaay eumbu suñu sankal wala neena ko eumbu ko eumbu sa sankal eumbu sa kër sa bo ñëmé ñëmé wuñu ko en tout cas bu ko genn député kiwé sax pouvoir bi man japp na né xalaatuñu ko même buñ ko defoon bañ war ko rectifier dañuy bañ ta tamit gëw mëne sax loi bi dina jall loolu mom yaakaaru mako wa dégg na leen ñi wax kon tay jéxal nañu ti nimbalul yalla lepp lu jëmon kon ci walu question yoy legui bi ni ñew inshallah ci lañuy dugg nak ci ponku bu jëk bi moy ihram nga xamne ci biir ihram comme niñu ko waxe won dinañ gis moment de sacralisation bi kañ la ak kañ la mëna yéene ihram moy yéene rek yéene ak lor moy ñëk ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo ne innamal a'malu bin niyyat def yépp dafa aju ci yéene te nit ki du am dul li nga xamne mom la yene kon nak lolou bi inshallah bi di ñew mom la ñuy gis bu ko defé moy premier ponk bi après ñu jall ci dess en même temps tamit bëgg na mën ci ñëwé def le tour ngir mu leer inshallah bu ko defé buñu jall rek par ponk la ñuy jël ndax ma nga lo wax né peut-être ñu commencer par aju yonnent bi sallallahu alayhi wasallam décrire ko mais xamna lolou la ñuy mujjé comme ça bu ko defé buñ koy mujjé nga mëna repérer pompe yiñ gissone nga né ah li mo ci farafa ni moy obligation li doono ko ainsi de suite wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin